Conte de fées en français. Le percussionniste. Il y a très très longtemps, près d'un lac très lointain, un percussionniste se promenait pour profiter de la nuit étoilée. Quand il arriva sur les rives du lac, il trouva de jolis bouts de tissu comme il n'en avait jamais vu auparavant. Ne voyant personne autour, il ramassa un bout de tissu et le mit dans sa poche. Il envisagea d'en faire une jolie housse de coussin. Cette nuit-là, pendant son sommeil, il entendit frapper à sa porte. Qui cela peut-il être à cette heure-ci? Qui es-tu? Et qu'est-ce qui t'amène si tard dans la nuit? Je suis une princesse et je suis sous l'emprise d'une sorcière. La sorcière m'a piégée au sommet de la montagne de verre. J'étais venue pour faire un petit plongeon dans le lac, mais sans le bout de tissu que tu as pris, je ne peux absolument pas repartir. Oh, je suis vraiment désolée. Je l'ai seulement ramassé parce que je n'ai vu personne dans le coin. Tu peux me le rendre, s'il te plaît? Le voilà. Mais tu sembles vraiment désespérée. Que puis-je faire pour t'aider à te libérer? Pour me libérer, il te faudrait venir avec moi au sommet de la montagne de verre. Une fois arrivé là-haut, le plus gros du sort sera rompu. Après ça, je pourrai me libérer par moi-même. Mais ce sera difficile pour toi d'atteindre la montagne de verre. Ah, impossible, c'est seulement pour ceux qui n'essayent pas. Dis-moi donc où se trouve la montagne de verre, princesse. La montagne de verre est à près de 1000 km au-dessus de la forêt qui est habitée par des géants sacrés. Je dois partir maintenant. Je ne peux pas t'en dire plus. Le percussionniste était un brave type qui n'avait peur de rien. Alors, il se dirigea vers la forêt sombre. Quand il arriva là-bas, il frappa si fort sur son tambour que la forêt tout entière sembla trembler à cause du son. Les géants entendirent le bruit. Qui ose perturber la paix de ma forêt? C'est moi, le percussionniste. Viens me faire face. Prends donc ce risque. Toi, le tout petit camarade, tu n'as donc pas peur de nous? J'aurais eu peur si j'avais été tout seul. Mais avec ce tambour, j'ai appelé tous les gens que je connais pour leur dire que je t'ai trouvé. Hé, qu'est-ce que des petits humains comme vous vont bien pouvoir faire à des géants comme nous? On peut vous écraser par milliers sous nos pieds. Ne nous sous-estime pas. Nous, les humains, on sait réfléchir. Nous allons nous cacher derrière les arbres de la forêt. Comme ça, quand vous essayerez de nous écraser, vous finirez par détruire votre propre forêt. Et quand vous serez finalement très fatigué et que vous n'aurez plus de forêt, nous vous attaquerons par le feu. Tu penses que les humains pourraient vraiment nous faire ça? Eh ben, s'ils ne pouvaient pas, ils n'enverraient sûrement pas ce gars tout seul pour venir nous trouver, si? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a qu'une chose à faire. Je peux demander à mes gens de repartir et de vous laisser en paix. Mais vous devez faire une chose pour moi. On fera tout ce que tu voudras. Alors, épargne-nous simplement du feu. Très bien. Alors, vous allez devoir me conduire jusqu'en haut de la montagne de verre. D'accord. On peut y amener en un seul instant. Quoi? Dis à tes gens de ne pas venir. Ah, oui, c'est promis. Alors le percussionniste se mit à battre du tambour encore et les géants pensèrent qu'il demandait à ses gens de faire demi-tour. Le géant plaça le percussionniste sur la paume de sa main et le fit avancer en passant de la paume d'un géant à un autre. Chaque passage le fit ainsi avancer d'un kilomètre et bientôt, le percussionniste se retrouva au sommet de la montagne de verre. Merci les géants. De rien. N'oublie pas de demander à tes gens de nous épargner. De ça, tu n'as pas à t'en inquiéter. On ne vous embêtera plus jamais. » Les géants soulagés s'en allèrent. Quand il arriva au sommet, il ne vit personne. Il y avait une toute petite cabane. Il frappa à la porte. Et au troisième coup, une sorcière ouvrit la porte. « Comment es-tu arrivé en haut de cette montagne ? C'est impossible d'arriver jusqu'ici !»« Impossible ? C'est seulement pour ceux qui n'essayent pas. Est-ce qu'un bon voyageur pourrait demander un abri et un repas chaud ici ?»« Oui, tu peux avoir tout ça. Mais tu devras travailler pour moi pendant 2 jours, d'accord ? Tu as compris ?»« Je ferai tout ce que tu me demanderas. » »« Alors, va à cette mare que tu vois là. » Et vide toute l'eau qui est dedans avec ceci. Tiens, tu devras terminer ce travail avant de voir apparaître la première étoile, à moins que tu ne trouves cette tâche impossible, n'est-ce pas? Impossible, c'est seulement pour ceux qui n'essayent pas. Il doit y avoir une bonne raison de sorcière, de la magie là-dessous, pour qu'elle me donne cette mission. Sinon, elle m'aurait déjà tué. Il y a peut-être un moyen de vider la mare avec ça. Alors le percussionniste alla à la mare avec le seau de la sorcière et commença à vider l'eau. Mais il ne pouvait prendre que quelques gouttes à la fois. Et il n'avait aucune chance de finir de vider la mare dans les temps. À midi, il était assez fatigué. Juste à ce moment-là, la princesse sortit de la maison avec un panier de nourriture. Elle lui parla pendant qu'il mangeait. T'inquiète pas, je vais vider la mare par magie. Allonge-toi ici et dors un petit peu. La princesse tourna la bague à son doigt et la mare s'assécha instantanément. Quand la sorcière vint inspecter la mare une fois la nuit tombée, elle fut effarée. Comment as-tu fait ça? C'est impossible, enfin! Impossible, c'est seulement pour ceux qui n'essayent pas. Très bien! J'ai une autre mission pour toi. Demain, tu devras me faire 1000 bouquets composés de 100 fleurs chacun, cueillis dans cette forêt, et cela avant que n'apparaisse la première étoile. Le percussionniste alla à la forêt, il regarda et chercha partout, mais il ne trouva pas une fleur. À midi, il était déjà fatigué. Une fois de plus, la princesse vint le trouver avec un panier repas. Elle lui parla pendant qu'il mangeait. Ne t'inquiète pas, je vais faire les bouquets avec un peu de magie. Allonge-toi ici et dors un petit peu. La princesse tourna la bague à son doigt et en un instant, 1000 bouquets de 100 fleurs apparurent. Quand la sorcière vint inspecter le travail au soir, elle fut bluffée. Comment as-tu fait ça? C'est impossible, enfin! Impossible, c'est seulement pour ceux qui n'essayent pas. En entendant cela, la sorcière se désintégra et disparut. Je suis libre, tu m'as libérée, merci. Comment j'ai fait ça, moi? Le sort que m'avait jeté la sorcière pouvait seulement être rompu si quelqu'un essayait de me sauver en accomplissant 3 missions impossibles. La première, c'était que tu arrives jusqu'ici. Une fois arrivée au sommet de la montagne, ce que la sorcière pensait déjà impossible, elle a perdu la plus grande partie de son pouvoir sur moi. Et alors, quand tu as été d'accord pour réaliser les autres tâches impossibles, elle ne pouvait plus m'arrêter si je voulais utiliser les pouvoirs magiques de ma bague. Princesse, je sais que je ne suis qu'un percussionniste, mais tu penses que tu pourrais... m'apprécier ? Tu es l'homme courageux qui a risqué sa vie pour sauver une étrangère, tu sais? Non, je ne t'apprécie pas, non, mon petit percussionniste, mais je te respecte. Et oui, je t'aime moi aussi. Voudrais-tu passer le reste de ta vie avec moi? Oui, mais pour cela, on doit partir d'ici, d'accord? Va dans la cabane et prends pour toi tous les trésors de la sorcière. Ainsi, le percussionniste entra dans la cabane et découvrit qu'elle était pleine d'or et de pierres précieuses et de bijoux de toutes sortes. Elle en remplit des sacs entiers. La princesse ne prit que 2 choses, une magnifique bague avec une émeraude et un collier fait d'or et de rubis. Puis, ce fut l'heure de partir. La princesse tourna la bague à son doigt et elle se retrouva aussitôt avec le percussionniste devant les portes de son palais. Mais avant qu'il n'y entre, le percussionniste l'arrêta. Je voudrais d'abord aller voir mes parents et leur dire que je vais bien. Oui, bien entendu, mais tu dois me promettre de ne pas les embrasser. Car si tu le fais, alors tu ne te souviendras plus jamais de moi. Comment pourrais-je t'oublier, ma chérie? Je serai de retour très vite. Ainsi, le percussionniste alla voir ses parents. Il y eut tant de bonheur et d'effusion de joie quand ils se retrouvèrent qu'il en oublia la promesse faite à la princesse. Et il embrassa ses deux parents. La princesse s'effaça de sa mémoire instantanément. Avec les trésors qu'il avait ramenés, ils construirent un immense château. La fille d'un riche bourgeois fut choisie pour lui comme future femme. La princesse attendait toujours devant les portes du palais. Mais quand elle comprit que le percussionniste ne reviendrait pas, elle réalisa ce qui avait dû se passer. Elle partit à sa recherche, mais entendit bien vite parler de son mariage. Elle se mélangea au lot de serviteurs qui allaient et venaient dans le château et repéra bientôt la future mariée. Ah ! Désolée, madame ! Oh ! Montre-moi un peu cette bague ! Elle est vraiment trop belle ! Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau de ma vie avant, dites donc ! Oui, merci ! Est-ce que tu voudrais bien me la vendre ? Oh, non ! Je te paierai le prix que tu voudras pour cette bague, mais il me la faut ! Je voudrais la porter pour mon mariage, est-ce que tu comprends ? Très bien, vous pouvez la voir ! En échange, vous devez m'autoriser à rencontrer votre fiancé seul à seul pour quelques minutes seulement, quand la première étoile apparaîtra dans le ciel. La future mariée voulait tellement cette bague qu'elle accepta le marché. Mais la nuit venue, elle versa de la poudre somnifère dans l'eau de son futur mari pour qu'il soit endormi et qu'il n'entende aucun bruit quand la princesse viendrait lui rendre visite. Et en effet, il n'entendit rien. Ouvre la porte, mon percussionniste bien-aimé. Tu ne te souviens pas? Un coup de ma bague magique et tu te souviendras de la montagne en verre, de la sorcière, etc. S'il te plaît, ouvre-moi. La princesse cria et implora toute la nuit. Mais le percussionniste ne se réveilla pas. Le lendemain, elle retourna voir la fiancée. Oh, désolée, madame. Oh, montre-moi un peu ce collier. Il est vraiment trop beau. Je n'avais pas vu un bijou aussi beau de toute ma vie. Ah oui, merci. Tu voudrais bien me le vendre? Oh non! Je paierai le prix que tu voudras pour ce collier, mais il me le faut. Je voudrais le porter pour mon mariage, tu comprends? Très bien, vous pouvez l'avoir. Mais en échange, vous devrez m'autoriser à rencontrer votre fiancé seul à seul pour quelques minutes seulement, quand la première étoile apparaîtra. La future mariée voulait tellement ce collier qu'elle accepta le marché. Mais la nuit venue, elle versa de la poudre somnifère dans l'eau de son futur mari pour qu'il soit endormi et qu'il n'entende aucun bruit quand la princesse viendrait. Mais cette fois-ci, les parents du percussionniste qui avaient entendu les appels de la princesse la nuit précédente lui avaient tout raconté. Le percussionniste réalisa que la seule raison pour laquelle il était resté endormi, c'est parce qu'on avait mis quelque chose dans son eau. Donc il ne but rien du tout et s'assit en attendant la princesse. Peu après, il entendit frapper à la porte. Ouvre la porte, mon percussionniste bien-aimé. Tu ne te souviens pas? Un coup de ma bague magique et tu te souviendras de la montagne en verre, de la sorcière, etc. S'il te plaît, ouvre-moi. Le percussionniste ouvrit la porte et la princesse lui montra sa bague magique. Et tout à coup, il se souvint de tout. Ma princesse chérie, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Comment ai-je pu t'oublier? Viens avec moi. Le percussionniste alla voir ses parents, accompagné de la princesse, et raconta toute l'histoire. Maman, papa, c'est elle que j'aime. je ne pourrai épouser personne d'autre. Eh bien moi, je ne pourrai pas épouser quelqu'un qui n'est qu'un simple percussionniste. Par contre, je vais garder la bague et le collier. Tu peux les garder si tu veux. Moi, j'ai trouvé mon vrai trésor. Ainsi, le percussionniste et la princesse se marièrent en grande pompe lors d'une superbe fête et ils vécurent heureux pour toujours. Fin.